Amis humains, bonjour. Les 1% les plus riches posséderont bientôt la moitié de la richesse mondiale. L'ONG Oxfam publie, lundi 19 janvier, une nouvelle étude, consultable en ligne, révélant l'ampleur des inégalités dans le partage des richesses sur la planète. Selon ces calculs, réalisés à partir de données fournies par le Crédit Suisse, la richesse cumulée des 1% les plus riches de la planète dépassera bientôt celle détenue par les 99% restants. Selon Oxfam, la part du patrimoine mondial détenu par les 1% les plus riches était passée de 44% en 2009 à 48% en 2014 et dépasserait les 50% en 2016. Cela signifie que s'ils continuent à s'enrichir, ils posséderont plus que l'ensemble des autres habitants de la planète réunis. La quasi-totalité des 52% de patrimoine restant sont aux mains des 20% les plus riches. Au final, 80% de la population mondiale doit se contenter de seulement 5,5% des richesses, estime le rapport. Accélération des écarts. La publication de cette étude intervient à quelques jours de l'ouverture, mercredi, du Forum économique mondial de Davos, Suisse, co-présidée par la directrice générale d'Oxfam, Winnie Byanyima. Selon elle, l'ampleur des inégalités mondiales est tout simplement vertigineuse. Le fossé entre les grandes fortunes et le reste de la population se creuse rapidement, poursuit-elle. Selon l'étude de l'ONG, entre 2010 et 2014, la fortune des 80 personnes les plus riches a augmenté de 600 milliards de dollars tandis qu'elle a diminué pour la moitié la plus pauvre de la population. Aujourd'hui, ces 80 personnes se partagent le même montant de richesse que 3,5 milliards autres. Ces inégalités devront, selon Oxfam, pousser les dirigeants internationaux à s'attaquer aux intérêts particuliers des poids lourds qui font obstacle à un monde plus juste et plus prospère.